never done one of these. Come on, Jean! Come on, Jean! Break for 30 seconds. Cosmic cassette, cosmic cassette. Cosmic cassette. Écoutez Cosmic cassette sur Radio Octopus. Écoutez toutes les émissions de Cosmic cassette sur Mixcloud. Écoutez les dernières émissions sur Soundcloud. Voilà, merci.